ma chérie, rien n'est plus fort que ce qui nous unit. Attends-moi, je vais revenir. On aura un plus bel avenir, ma chérie. Je l'ai fait pour nous et pour notre fils. Fallait faire un sacrifice, ne rien dire à la police. Oh, c'est la dernière fois que je touche à tout ça. Fallait que je paye nos dettes et que je me refasse. J'aimerais que cet épisode de ta mémoire s'efface. Classe, ranime passé. Bébé, oublie tout ça, ne te fais plus de soucis. Cette séparation, tu la vis, moi aussi. Mais tant qu'on est en vie, crois-moi, on a vu pire. On a vu pire, n'en aie pas peur. Avec un autre, mais tu sais que moi, moi, moi sans toi, comme le ciel sans étoile, notre fils a grandi et dans ses yeux brille notre histoire. Les heures et les secondes, mais passé c'est le pas.